berger. Si maman tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si... Si maman, si... Si maman, si... J'ai l'impression que la guitare n'est pas bien accordée. Mi, A, Ré. Hey, Mr. Z, le roi du synthé. Mr. Z, Z, comme Zorro. La la la. Est-ce qu'il veut pas commencer sa chanson? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nous avons perdu deux marins sur le bateau qui ont sauté par-dessus bord. C'est joli. c'est joli ça. Tu es un artiste, toi. Ah ouais. Bonsoir, monsieur Moretti. Bye.